الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc, toujours dans l'introduction du livre Al-Usul al-Thalatha, les trois bases. Donc l'auteur nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire d'apprendre quatre points. Le premier, la science, et c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de la religion, de l'islam, avec ses preuves. Le deuxième point, al-amal bi, le fait de mettre en application cette science. La troisième chose, al-da'watu ilayh, le fait d'appeler, donc, à la science et à son application. Et le quatrième point, la patience, donc sur les offenses qui sont faites donc à celui qui possède la science, qui l'applique et qui appelle à l'islam. La preuve de ces quatre points est présente dans Surat Al-Asr. Allah dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa al-Asr, par le temps, in al-insan al-fihos, l'homme est certes en perdition. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا sauf ceux qui ont cru وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ et accompli les bonnes œuvres وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ et se sont recommandés mutuellement la vérité وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ et se sont recommandés mutuellement la patience. L'imam al-Shafi'i rahimahullah, il nous dit que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait fait descendre comme argument sur ses serviteurs que cette sourate, cela leur aurait été suffisant. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il dit dans son livre As-Sahih, Babun, c'est-à-dire chapitre, Al-Ilmu qabl al-Qawli wal-Amal, la science avant la parole et les actes. La preuve est le verset de Surat Muhammad, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Sache que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et demande pardon pour tes péchés. Fa'bada'a bil-Ilmi qabl al-Qawli wal-Amal. Donc Allah, dans ce verset, a citer la science avant la parole et l'acte. قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله الدعوة إليه بعد أن تحدثت عن العلم وعن العمل به. فالمرتبة الثالثة أو المسألة الثالثة التي تجب علينا هي الدعوة إليه. وفي بداية الكتاب ذكرنا أن في العلم من العلم ما هو واجب ومنه ما هو مستحب من هو واجب ومنه ما هو مستحب وكذلك العمل فالعمل بالعلم واجب واجب فالعمل بالعلم مستحب مستحب فكذلك الدعوة الدعوة إلى العلم والعمل الواجب واجب أو واجبة الدعوة إلى العلم والعمل المستحبين مستحبة. فيقول الدعوة إليه، فبعد أن اكتملت يعني قوة الإنسان العلمية لتعلم دينه، ما قلت تعلم دينه كله، لكن تعلم بعض المسائل وعمل بما تعلم، لابد أن يسعى في نشر ما تعلم، في نشر ما تعلم من دينه. فإذا حصل للإنسان بتوفيق الله تبارك وتعالى العلم بهذا الدين العظيم والعمل به، وجب عليه السعي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدعوة إلى دين الإسلام التي هي طريقة الرسل عليهم السلام. الرسل يعني الله عز وجل كان ينزل عليهم الوحي وهو العلم، ثم يعملون به عليهم السلام، ثم يدعون الناس إلى هذا الوحي الذي أنزل إليهم. وأعلى مراتب الدعوة هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وهي دعوة الأنبياء قاطبة. فما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وقد أمر قومه بعبادة الله وحده لا شريك له، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وللدعوة إلى الله تبارك وتعالى فضل يعني عظيم، فمن هذه الفضائل أنها وظيفة الأنبياء والرسل. فإذا دعا الإنسان إلى الله تبارك وتعالى قد سلك طريق يعني خير خلق الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث سهل بن سعد الساعدي فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن قيمتها عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، خيبر وقعت في سنة السابعة، سنة السابعة للهجرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطى، الواحد بغى يكون يعني المعطى لهذه الراية، وهو شرف أن يحمل الإنسان راية يعني لا إله إلا الله. فلما أصبح الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل له إنه يشتكي عينه، هو أصيب بمرض في عينه، فدعي مع ذلك، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه بريقه الشريف عليه الصلاة والسلام، فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن شيء في عينه، ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، فقال له علي بن أبي طالب نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. شنو الهدف يعني في هذه الغزوة؟ أن نقاتلهم يعني حتى يدخلوا الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني تمهل أدعوهم إلى الإسلام، هذا أول شيء، لا قتال قبل الدعوة إلى الإسلام، أدعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحمر أو حمر النعم هي الإبل الحمر، يعني لون هذه الإبل الحمرة، وهي أنفس أموال العرب. يقول الإمام النووي هي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أنفس منه. فإذا أرادت العرب أن تصف لك شيئا نفيسا يعني ذا قيمة عالية تقول هذا الشيء خير من حمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك ماشي جماعة رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فما بالك إذا اهتدى بسببك يعني المئات والألوف المؤلفة. Donc, nous avions parlé donc de la science et de l'application de cette science. Et le troisième point qu'a cité l'auteur, donc, c'est Ad-Da'watu Ilayh. Donc, après avoir donc acquis des connaissances religieuses, les avoir mis en application, il faut appeler les gens à ce qu'on en a appris et ce que l'on a mis en application. Car donc, l'islam ne peut se propager que de cette manière. Et également, c'est le fait de propager la religion et d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la tâche qu'ont surmonté les prophètes. Donc les prophètes, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre sur eux la révélation, ils mettaient cela en application et puis ils appelaient leur peuple vers donc cette révélation qui leur était descendue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus haut message qu'ils ont appelé, c'est le fait d'appeler les gens vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire at-tawhid, ce que l'on appelle at-tawhid, le fait de dire la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Donc tous les prophètes de Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient tous le même message, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah, d'enseigner la ilaha illallah à leur peuple et qu'ils adorent Allah seul et qu'ils délaissent toute adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-anbiya'u ikhwatun li'allat. دينهم واحد وشعائرهم شتى الإخوة لعلات شو معنى إخوة لعلات ها كان سموا الإخوة لعلات هو الإخوان لأب يعني إخوان لهم أب واحد وأمهات مختلفة هؤلاء يسمون في اللغة العربية إخوة لعلات. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit que les prophètes sont des frères de même père. Leur religion est la même, mais les règles, les législations dans les religions peuvent changer. Par exemple, le musulman ne prie pas comme un chrétien ou bien comme un juif, ne jeûne pas de la même manière, ne donne pas l'aumône de la même manière, etc. Mais la croyance est la même. Ils ont tous appelé à la ilaha illallah. Donc c'est la plus grande chose vers laquelle la personne peut appeler donc les gens. Qu'ils soient musulmans ou non musulmans. S'ils sont non musulmans, leur enseigner l'islam en leur disant que l'islam donc est basé sur la ilaha illallah. Et même s'ils sont musulmans, leur rappeler le sens de la ilaha illallah. Car la majorité des musulmans, ou bien une grande partie des musulmans, ignorent le sens de la ilaha illallah. Ils le disent toute la journée, plusieurs fois par jour, et ils ignorent leur vrai sens. C'est pour ça qu'on trouvera des gens qui disent la ilaha illallah et qui après dévouent certaines adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc et visé par ce message de la ilallah les musulmans comme les non musulmans. Et donc Allah il dit wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, nous avons envoyé vers chaque communauté un messager qui appelait les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et c'est-à-dire délaisser le démon, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, nous montre la vertu et la grande valeur de transmettre l'islam. Et que donc dans le hadith de Sahel ibn Sa'idi, dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille de Khayba, il a dit: je vais donner le drapeau, donc pour guider la bataille, à un homme qu'Allah aime et que son prophète aime, et cet homme aime Allah et son prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala fera que la victoire sera grâce à lui. Yaftahullahu ala yadi. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont passé la nuit à essayer de savoir qui allait recevoir l'étendard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc chacun espérait obtenir cet honneur. Le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a leur dit: Aina Ali ibn Abi Talib, où est Ali ibn Abi Talib, donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a alors dit: innahu yashtaki ayni, il a mal aux yeux. Le prophète a quand même dit: appelez-le. On l'a fait venir, le prophète a postillonné dans les yeux de Ali ibn Abi Talib et il fut guéri sur place. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a ensuite donné l'étendard et Ali lui a dit: Nuqatiluhum hatta yakunu mithlana. Donc nous devons donc les combattre. Khaybar ani ma'a al-yahoud, entre les musulmans et les juifs. Nous devons les combattre jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous. Le prophète leur dit: ala rislik, c'est-à-dire doucement. Ani ud'uhum ila l'islam, appelle-les à l'islam. Donc il y avait eu une querelle entre les musulmans et les juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Appelez à l'islam, wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi fi, et informez-les des obligations religieuses. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala peut guider par toi un seul homme, c'est mieux que toi, c'est mieux pour toi que humur an-na'am, c'est-à-dire des chameaux bruns. Donc à l'époque des Arabes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses les plus précieuses qu'ils possédaient, c'était des chameaux de couleur brune. Et lorsqu'ils voulaient justement montrer à une personne que telle ou telle chose a une grande valeur, ils disaient: cette chose-là est mieux qu'un chameau brun. Donc le prophète a dit: si Allah subhanahu wa ta'ala guide grâce à toi un seul homme, c'est mieux pour toi que un chameau brun. Donc pour montrer que même qu'un seul homme soit guidé grâce à toi, ça a une très très grande valeur. Si Allah peut guider également deux, trois, des dizaines ou des centaines de personnes, tu auras une énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dalalati kana 'alayhi min al-ithm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim shay'an. Le prophète également, il dit, pour montrer la récompense et la grande valeur d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et d'appeler à l'islam, il dit: celui qui appelle vers la guidée, il aura la même récompense que celui qui met en application cette chose-là. Admettons que tu appelles une personne à accomplir la prière qu'il va accomplir, tu obtiendras cette récompense. Mais à l'inverse, man da'a ila dalalati, celui qui appelle à un égarement, il aura également le péché de la personne qui aura commis cet égarement. Donc, le prophète donc incite les gens à appeler vers le droit chemin et il met en garde contre le fait d'appeler vers l'égarement. Wali ad-da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي على بصيرة فيما يدعو إليه، فلا يمكن لك أن تدعو إلى شيء لا علم لك به. والأمور التي تدعو إليها لابد أن يكون عليها دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك لا بد أن تكون عالما بحكم ما تدعو إليه. أن تكون عالما بحكم ما تدعو إليه. لأنك إذا دعوت شخصا يعني بدون أن تعرف حكم ما تدعو إليه قد تجيب عليه ما لم يجيبه الله تبارك وتعالى على المكلفين، أو تحرم عليه شيئا لم يحرمه الله تبارك وتعالى، وهذا داخل في من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم، وإثم من يعني عامل به لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Donc il y a également des conditions donc, pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, le fait donc, d'avoir la connaissance donc, de la chose à laquelle on appelle. On ne peut pas appeler à une chose dont on ignore l'épreuve. Allah dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي, dit au Muhammad, voilà mon chemin. أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ, j'appelle vers Allah. À la basiratin, donc avec science. À la basiratin, donc avec clairvoyance. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui suivent mon chemin, ou bien ma voie. Également, il faut que la personne connaisse le statut de la chose à laquelle elle appelle, afin de ne pas tomber dans une grave erreur, c'est-à-dire d'appeler, de dire aux gens que telle ou telle chose est obligatoire alors qu'elle ne l'est pas. Ou bien d'interdire aux gens une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdite. Donc il faut absolument donc connaître ces deux choses-là. Donc avoir la connaissance de ce à quoi on appelle, également connaître son statut. كذلك أن يكون الإنسان عالما بحال المدعو. فأنت لا تدعو الناس بطريقة واحدة. هذا من الخطأ. من الناس يعني من تجمع الناس كلهم في سلة واحدة. يعني المسلم وغير المسلم، أهل الكتاب، أهل البدع، أهل المعاصي، فهؤلاء لا يدعون بطريقة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بحال المدعو. من هؤلاء اللي غنمشي عندهم؟ أهل الكتاب. معناه أني لابد أن تكون على استعداد بمعرفة يعني كتبهم وشبههم والأمور التي يعتقدونها. فليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم. لما تخش الأموال في الزكاة يعني الأموال النفيسة والكريمة. لا تأخذ النفيس ولا تأخذ الردي. وابتغ بين ذلك سبيلا. وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأخبره بحال المدعو. Donc également parmi les choses qu'il faut connaître la situation de la personne à qui on s'adresse lorsqu'on appelle les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. On n'appelle pas tous les gens de la même manière. Par exemple, il y a des musulmans qui commettent des péchés. On ne les ramène pas vers le droit chemin comme si on appellerait une personne qui est non musulmane. Également, il y a des musulmans qui commettent des innovations religieuses. Donc il faut également essayer de les conseiller d'une certaine manière. Il y a également les mulhidin, les gens qui sont athées. On ne les appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière qu'on appellerait une personne, des gens du livre. Donc il faut absolument que la personne connaisse à qui elle s'adresse lorsqu'elle appelle à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'adapter son message à la personne donc visée. Et prouve cela, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'az au Yémen, pour appeler les gens du Yémen à l'islam, la première chose qu'il lui a dit, « Innaka tati qawman min al-kitab » Donc tu vas te rendre vers des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens. Donc, les canaux Nasara. Au Yémen, ils étaient Nasara, ils étaient chrétiens. Ensuite, il lui a dit, donc la première chose à laquelle tu vas les appeler, c'est qu'ils attestent que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager. S'ils te répondent, enfin s'ils acceptent cela, informe-les que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé 5 prières par jour. S'ils acceptent cela, informe-les que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé une aumône prise des riches et redonnée aux pauvres. Donc jusqu'à la fin du hadith, ala kulli hal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il se prépare donc pour propager son message, il lui a dit, tu vas te rendre vers des gens du livre, afin que donc tu prépares ton message et la manière dont tu vas appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك من شروط الدعوة إلى الله الرفق الرفق والحكمة والعفو. قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء عليه السلام ضربه قومه وأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. قيل أن هذا النبي ونوح وقيل أنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قد يعني شج رأسه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه وما نزع الرفق عن شيء إلا شانه. فالرفق كله خير الرفق كله خير وهو أدعى لقبول الدعوة وأدعى لقبول الدعوة. فكم من أناس أراد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بأسلوب يعني غليظ وبأسلوب شديد فنفر الناس نفر الناس. فالله عز وجل يدعو يأمر الناس بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. Donc également parmi les conditions donc pour accomplir l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, da'wa, le fait d'appeler avec douceur et avec sagesse. Allah dans le Coran il dit ud'u ila sabili rabbik, appelle vers le chemin de ton Seigneur bil hikmati, avec sagesse, wal maw'izati al hasana, c'est-à-dire en faisant de bonnes exhortations, wajadilhum billati hiya ahsan, c'est-à-dire débat avec eux de la meilleure des manières. Et Allah dit dans un autre verset, waqulu linnasi husna, c'est-à-dire dites aux gens des belles paroles, dites aux gens des belles paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a vanté son prophète, il a dit, fabima rahmatin min Allah lintalahum, donc par la miséricorde d'Allah, tu as été doux avec, donc avec les gens, avec les compagnons. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, et si tu avais été dur avec eux, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, ils se seraient éloignés de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dans le Coran donc, appelle les gens à appeler à l'islam avec sagesse et avec douceur. et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également donc le faisait en appliquant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait révélé. Abdullah ibn Mas'oud nous dit كأني أنظر إلى رسول الله, c'est-à-dire comme si je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me rappelle avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yahki nabiyyan min al-anbiya, imiter un prophète parmi les prophètes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le nom. Darabahu qawm, son peuple l'a frappé. Wa admou, ils l'ont fait saigner. Wa huwa yamsahu ad-dama an wajhi, et ce prophète donc essuyait le sang de son visage et en disant Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun, ô Allah pardonne à mon peuple car ils ne savent pas, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Donc les prophètes étaient très patients, donc on va voir également la patience, et très doux et de grande sagesse et beaucoup de pardon. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Uhud a été blessé, shuja'suhu, a été blessé à la tête, même que son incisive a été cassée sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même dit kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum, comment un peuple peut-il obtenir la victoire alors qu'ils ont blessé leur prophète. Allah subhanahu wa ta'ala descend laysa laka min al-amr shay' an yatuba alayhim wa yu'adhibahum fa innahum zalimun, c'est-à-dire cet ordre ne t'appartient pas, qu'Allah leur pardonne ou bien qu'il les châtie, car ils font partie des injustes. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما قلنا منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. والدعوة قد تكون بالمقال وكذلك بالفعل, وكذلك بالفعل. فكم من أناس يعني اقتدى وأحيانا يهتدى بسبب يعني سلوك بعض المسلمين, فإذا رأى يعني إنسانا متخلقا تقيا نقيا يعني صادقا في دينه يعمل ب يعني أركان الإسلام الظاهرة, محافظ على الصلاة, محافظ على الصيام وعلى العبادات الواجبات والمستحبة, فيصبح يعني قدوة حسنة. فمن الناس من يقتدي بسبب يعني رؤيته لهذا الإنسان التقي بدون أن يتكلم, بدون أن يتكلم. فالدعوة تكون بالمقال وبالفعل. Également, donc, il faut savoir que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir lieu par la parole, donc lorsqu'on conseille une personne, également par les actes. C'est-à-dire le fait d'appeler les gens par notre comportement, par notre droiture. Et en vérité, l'un ne va pas sans l'autre. Car si la personne appelle par la parole, mais que ses propres actes ne suivent pas, en général, les gens ont du mal à accepter son appel. Allah Azza wa Jalla yaqul atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Il dit également ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a blâmé ceux qui appellent à une chose dont ils ne mêlent pas, qui n'appliquent pas. Allah dit atamuruna an-nasa bil birri, ordonnez-vous aux gens les bonnes œuvres, la piété, en vous oubliant vous-même. Donc en général, si la personne elle appelle vers une chose, il faut absolument qu'elle ait mis cela en application. C'est pour ça que l'auteur il a cité l'ilm wa l'amalu bihi wa ad-da'watu ilayh, afin que donc l'appel à Allah soit couronné de réussite, il faut absolument qu'il y ait de la science et de l'application. On n'appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala sans science, et on n'appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala également sans application. Donc il faut absolument donc l'ilm wa al-amalu bihi. Thumma qala والصبر على الأذى فيه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. فهو الصبر على الأذى في كل ما ذكر قبل. فالصبر على الأذى في تعلم العلم، والصبر على الأذى في العمل بالعلم، والصبر على الأذى في الدعوة إلى هذا الأمر. ليس الصبر في الدعوة فقط، وإلا لقال المؤلف والصبر على الأذى فيها، إنما قال الصبر على الأذى فيه، فيرجع إلى كل ما ذكر سابقا. فإذا اكتملت يعني قوة الإنسان العلمية وقد عمل بهذا العلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، ثم دعا إلى الناس إلى ما تعلمه وعمل به، ودعا إلى الصراط المستقيم، فلابد أن يصاب بأذن، لابد أن يصاب بأذن كما أصيب بأذن الأنبياء والمرسلون. الله عز وجل يقول: ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والصبر في اللغة العربية هو الحبس، الحبس والمنع. ولذا يقال: قتل فلان صبرا. أحيانا قتل فلان صبرا، أحيانا مثلا في التراجم قرأني وقتل صبرا، ها؟ قتل صبرا معنى يعني وضع في مكان وغلق عليه وترك حتى مات، هذا يسمى بالقتل صبرا، وهو من يعني أبشع أنواع القتل. تخيلوا معي أن الشخص يعني يترك هكذا لا يأكل ولا فيموت يعني من الجوع. فالصبر هو الحبس والمنع. فالإنسان يصبر بقلبه ويصبر بقوله، أو يصبر بلسانه ويصبر بالجوارح. فمثلا يصبر بقلبه على عدم التسخط على قدر الله تبارك وتعالى، ويصبر كذلك بلسانه فلا أن يشتكي بما حصل له من أقدار الله تبارك وتعالى، ويصبر بجوارحه فلا يعمل بها ما حرمه الله تبارك وتعالى من النياحة ومن شق الجيوب ومن لطم الخدود، هذه الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. فالإنسان يصبر بقلبه وبلسانه وبجوارحه. فإذا دعا الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، يدعو الناس إلى التحرر من أهوائهم ومألوفاتهم. فإذا كان الإنسان قد تعود على ارتكاب بعض المعاصي، فإذا دعوته إلى ترك هذه المعاصي تدعوه إلى يعني ترك الهوى وترك المألوف عنده. وهذه من أصعب الأمور، أن يغير الإنسان مألوفاته، من أصعب الأمور. فالإنسان إذا ألف شيئا يعني من الصعب أن تغير له ما تعود عليه. ولهذا الله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. علاش اللي ولفنا نبقاو نتبعوا إلى زمننا هذا؟ ملي كتقول الشخص لا ما ديرش هذه ولا دير هذه، تقول لا غنبقى ندير داكشي اللي شفت الناس كيديروه. لا، أنت مأمور باتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أصعب الأمور، أن تغير الناس مألوفاتهم. والإنسان المسلم لابد أن يتسلح بالصبر. ثبت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متوسدا في ظل الكعبة يعني في مكة وفي وقت الأذى والاضطهاد. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا تستنصر لنا أفلا تستنصر لنا لتدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيحفر له فيوضع في الحفرة فيوضع على مفرق رأسه منشار فيشق نصفين فلا يصده ذلك عن دين الله وكان يمشط يمشط الرجل بأمشاط الحديد ما دون لحم وعظم وعصب فلا يصده ذلك عن دين الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم قوم تستعجلون بل أنتم قوم تستعجلون. فإن الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يكون عنده يقين أن النصر للمؤمنين والعاقبة للمتقين، ولكن هذا النصر وهذه العاقبة لا تأتي يعني من عشية إلى ضحى، لا بد من الصبر ولا بد من يعني طول الأمل. ولهذا في القرآن كثير بل أنتم قوم تستعجلون. Donc le quatrième point qu'a cité l'auteur c'est الصبر على الأذى فيه، c'est-à-dire donc le fait de patienter aux offenses qui donc sont faites aux musulmans qui donc apprend sa religion, également applique cette religion et également appelle à cette religion. Forcément, il sera offensé donc ici-bas. Donc la personne, il lui demandait de patienter donc avec tout son corps, avec son cœur, avec sa langue, par la parole et par ses actes. Quand par exemple, il lui arrive une chose désagréable, il lui demandait de ne pas se mettre en colère contre les choses prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la parole, de ne pas dire des choses offensant les choses prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et également de ne pas commettre avec ses membres du corps des choses interdites, comme les gens qui font ce qu'on appelle an-niyaha, le fait de pleurer en élevant la voix. Également le fait de déchirer ses vêtements ou bien de frapper son visage, toutes ces choses-là sont des choses interdites dans l'islam. Donc la personne elle patiente par le cœur, par la parole et par les actes. Et donc la personne, pourquoi elle doit patienter? Parce que forcément elle sera amenée à être offensée si elle a fait ces quatre choses: apprendre la science, mettre en pratique, appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne, donc elle appelle les gens à changer leurs habitudes et à délaisser leurs passions. Et ça, c'est les choses les plus difficiles. Tu peux appeler les gens à n'importe quoi, sauf à changer leurs habitudes. Allah, dans le Coran, souvent, il nous dit, lorsqu'on leur dit, suivez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, ils diront, بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. Ils diront au contraire, nous allons suivre ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Donc, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, les gens ils ont du mal à changer leurs habitudes. Lorsqu'ils ont pris une habitude de prier, une habitude de jeûner, une habitude de faire le pèlerinage, une habitude de faire telle ou telle chose, tu as beau les appeler en leur citant tous les versets du Coran, tous les hadiths, ils auront du mal à changer leurs habitudes. À moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et donc, et plus la personne donc essaye de changer les habitudes des gens, plus elle sera offensée et agressée, comme les prophètes l'ont été. Et donc, il faut que le musulman donc s'arme de patience, car donc les gens qui sont appelés vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala vont combattre donc ce message de toute leur force. Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu, il nous dit que nous sommes partis nous plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était donc sous l'ombre de la Kaaba, donc à Mecca. Les compagnons ont dit au prophète sallam, afala tastansir lana, pourquoi ne demandes-tu pas à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous secoure? Car donc ils étaient opprimés à Mecca, ils étaient torturés, on leur demandait donc de délaisser la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur a alors dit, il y avait parmi les gens avant vous des hommes donc qu'on mettait dans un fossé et on mettait une scie sur l'arrêt de leurs cheveux et on les coupait en deux pour leur demander de délaisser la religion d'Allah, et cela ne le faisait en aucun cas délaisser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien notre époque, si un jour c'est une flémia ou akthar, il risque de délaisser l'islam. Alors qu'on l'a تحت العذاب يجوز يعني النطق بكلمة الكفر. Donc si la personne est torturée, il lui est permis de dire des choses de mécréance, comme l'a fait Ammar ibn Yasir. Le prophète dit ensuite, il y avait même des gens à qui on donc on enlevait la peau jusqu'à arriver aux os et aux nerfs avec des lames, et cela ne les faisait en aucun cas délaisser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a ensuite dit, vous êtes un peuple qui sont trop pressés. L'homme a été créé et s'est retrouvé trop pressé. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, il nous dit dans de nombreux versets, il nous dit que la bonne fin est pour les pieux. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu, nous allons secourir nos prophètes et ceux qui ont cru. Donc ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah il tient toujours sa promesse. Et donc il faut que le musulman il sache que ce secours, la supériorité des croyants, la victoire pour les croyants, elle n'aura pas lieu tout de suite. Au contraire, il y a des conditions. Si vous donc secourez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous secourra. Et donc il faut que le musulman il sache que donc le secours et la victoire est pour les croyants, mais que cela n'arrivera pas forcément du jour au lendemain. Donc c'est pour ça qu'il faut que le musulman s'arme de patience. Idhan adhiyatu ad-da'iyati ni tabi'atu al-bashar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والرسل أوذوا بالقول والفعل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ رسل من قبلك. كان الناس يسخرون من أنبياء والرسل ومنهم من تعرض للقتل. الله سبحانه وتعالى يقول لبني إسرائيل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقتلهم الأنبياء فمن يعني قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينال ما نال الأنبياء والرسل. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن على الإنسان أن يعلم أن الأذى يعني من علامات محبة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. من يريد الله به خيرا يصب منه. Donc le fait que celui qui appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit offensé et attaqué donc est une chose obligatoire. Une chose obligatoire. Donc, si la personne donc, apprend la science, la met en pratique, appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, elle sera offensée. comme ont été offensés les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ قَبْلِكَ. Beaucoup de prophètes avant toi ont été n'ont pas été crus, ont été n'ont pas été crus. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا. Et ils ont patienté à la مَكُذِّبُوا أُذُو. Ils ont patienté donc à la mécroyance des gens et au fait qu'ils ont été offensés. Certains même ont été tués par leur peuple. Allah souvent dans le Coran, il parle en parlant des enfants d'Israël, وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَ, le fait qu'ils ont tué les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyait un prophète et il le tuait. وَفَرِقًا تَقْتُلُونَ, et un groupe de prophètes vous avez tué. Et donc forcément, donc la personne, comme on a dit, qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, forcément elle aura des ennemis. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا. Donc nous avons donné à chaque prophète des ennemis. Donc il n'y a pas un prophète qui soit arrivé dans son peuple et tout le peuple a suivi donc son message. يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيَتِي نَبِيٍ وَلَيْسَ مَعُهُ أَحَدٍ. Il y aura des prophètes qui viendront يَوْمَ الْقِيَامَةِ, il n'y aura personne avec eux. Personne de leur peuple ne les aura suivis. Personne de leur peuple ne les aura suivis. Mais donc le fait d'être offensé, le fait d'être éprouvé est une preuve de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il nous dit lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Donc celui qui accepte cette épreuve sera accepté d'Allah, et celui qui se met en colère, Allah se mettra en colère contre lui. Également le prophète s'en dit أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَا ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ. Les gens qui sont les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui se rapprochent le plus d'eux. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلُ الصَّبْرُ أَنَّهُ ذُكِرَ الْإِخْوَانِ أَنَّهُ ذُكِرَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ. يقول إمام أحمد رحمه الله الصبر ذكر في القرآن في نحو 90 موضعا. فكلما أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر شيء في كتابه يدل على أهميته, يدل على أهميته. ذكر في نحو 90 موضعا. وفضائل الصبر يعني كثيرة جدا, سنذكر بعضها. أولا يعني حصول معية الله تبارك وتعالى, الله سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين, وحصول محبة الله, قال تعالى والله يحب الصابرين, وقال تعالى وبشر الصابرين فلهم البشرى, وقال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله عز وجل يجزيهم على أحسن أعمالهم. وكذلك بالصبر يكون نصر الله تبارك وتعالى, وقال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين. الله عز وجل بسبب الصبر والتقوى أن ينصر عباده المؤمنين. هناك يعني كذلك استحقاقهم دخول الجنة, قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكذلك سلام الملائكة عليهم, والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هناك يعني أمور أخرى وفضائل أخرى للصبر. Et donc la patience possède de nombreuses vertus et de nombreux mérites. Donc la même chose que nous avons cité pour le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala prouve que la grande valeur de la patience dans notre religion, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité la patience dans le Coran à de très nombreuses reprises, afin que le musulman donc comprenne la valeur de la patience et s'arme de patience donc dans sa religion. Et l'imam Ahmed rahimahullah, il dit que la patience a été citée dans le Coran dans à peu près 90 passages. 90 passages. Et donc, par la patience, la personne, enfin le musulman, peut obtenir beaucoup de beaucoup de privilèges et beaucoup de dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il est avec les patients, inna Allah ma'as sabiri, c'est-à-dire qu'il les aide et qui leur facilite les choses. Également Allah aime les patients, Allah yuhibbu as-sabirin. Également Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense les patients de la meilleure de leurs œuvres. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et également, la patience est cause d'entrer au paradis. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah leur a donné comme récompense pour leur patience le paradis et de la soie. Et également, les anges entreront au paradis et salueront les habitants du paradis en leur disant سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. C'est-à-dire que le salut soit sur vous pour ce que vous avez donc patienté, donc ici-bas. إذن لابد من الصبر لكل مسلم ومسلمة إذا تعلم دينه وعمل به ودعا إليه. ولابد من أن يتعرض الإنسان لبعض المشاق في طريقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من هذه المشاق أولا إعراض الخلق عن الدعوة. الكثير من الناس إذا دعوتهم فيعرض عنك. وكم من أناس كنت صديقا لهم فيوم ما بدأت أن تدعوه إلى الإسلام أو إلى الاستقامة فقد أن يعرض عنك ويبحث عن أصدقاء آخرين. وانظروا إلى نوح عليه السلام يقول ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فكلما كان يعني يدعوهم كلما زادهم ذلك فرارا فيفرون منه عليه السلام. هذه من هذه المشقة الأولى التي تحصل للداعية إلى الله تبارك وتعالى. وهذا القليل من يتحمله. فإذا دعا مرة أو مرتين فرأى أن الناس يعرضون عنه فإنه يسكت. لا، لماذا لا تصبر؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال تعالى وما أمن معه إلا قليل. نوح عليه السلام. Donc la personne, lorsqu'elle appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, forcément elle va rencontrer des choses difficiles dans son chemin, des obstacles. Parmi ces obstacles, le fait que la majorité des gens se détournent de la personne qui les appelle vers le bien. Lorsqu'une personne appelle une autre personne vers l'islam, vers le fait de suivre le droit chemin, en général, la personne s'éloigne d'elle. Parfois, il y a deux personnes qui sont très proches, qui sont amis, et il suffit que l'un des deux commence à appeler donc son ami vers l'islam, vers le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela suffit pour qu'une session se fasse entre les deux individus. Nuh alayhi salam, il nous dit, en implorant son Seigneur, il dit Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, falam yaziduhum du'a'i illa firara, et mon appel ne faisait qu'augmenter leur fuite. Plus il les appelait alayhi salam, plus cela les faisait fuir. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, et à chaque fois que je les appelais afin que tu leur pardonnes leurs péchés, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles. Et également, ils se couvraient de leurs vêtements afin de ne pas entendre le message de Nuh alayhi salam. Et ils se sont entêtés dans cela. Et ils se sont gonflés d'orgueil. Et donc il faut que et ça c'est parmi les choses les plus difficiles à surmonter. Et peu de gens arrivent à surmonter cela. Le fait donc d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens vers l'istiqama, et que les gens justement s'éloignent. Donc la personne elle appelle une fois, deux fois, dès qu'elle voit que les gens s'éloignent, elle arrête donc de propager le bien. Non, il faut que la personne donc continue et patiente comme ont patienté les prophètes Wasbir kama sabara, Fasbir kama sabara, ou l'azmi min al-rusuli, voilà, tastajil lahum. Patience comme ont patienté les prophètes doués de fermeté. كذلك لابد من الأداء فالناس يؤذونك بالقول وبالفعل ولقد استهزئ رسل من قبلك وقال تعالى لا تبلغون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Donc Allah dit que beaucoup de prophètes avant toi, en parlant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc les gens se sont moqués des prophètes avant toi. Et Allah dit également, vous avez été éprouvés dans vos richesses et dans vos propres personnes. Et vous entendrez parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous, parmi les associateurs, beaucoup d'offenses. Forcément, la personne, elle entend des choses parmi Al-Kitab. Parmi الذين أشركوا حتى من المسلمين. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'osait parmi les musulmans parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à l'époque, à notre époque, donc, les musulmans يتكلمون في الداعية بدون خجل. Donc la personne elle a même des musulmans dans son propre rang. Elle a même des ennemis dans son propre rang. كذلك من المشقة في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طول الطريق واستبطاء النصر. فكما قلنا أن الله سبحانه وتعالى كتب النصر والعاقبة للمتقين فهذا موجود في آية كثيرة. ولكن كما قلنا أن النصر يعني ليس من الضروري أن يتحقق بين عشية وضحاها. فكم من أناس يدعوا إلى الله تبارك وتعالى وما استجيب لهم يوم القيامة النبي وليس معه أحد لكن استمر في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Donc également parmi les difficultés lorsque l'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, donc la longueur de l'épreuve. Donc les gens, en général, ils ne patientent pas et ils veulent voir les fruits tout de suite. Ils veulent que quand ils appellent une personne à l'islam, ils veulent que demain ils viennent à la mosquée, que la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nuh alayhi salam, il est resté 950 ans à appeler son peuple à l'islam. Fasna Nuhan ila qawmihi. Il est resté 950 ans à appeler à l'islam. Et Allah a dit وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Hein? Et il les a appelés دَعَتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا 950 ans, nuit et jour. فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا. Donc il faut que la personne donc patiente, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La bonne fin sera forcément pour les gens pieux. Donc ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas que cela doit avoir lieu du jour au lendemain. C'est pas parce que tu veux amener des gens à l'islam que en leur parlant une fois ou deux fois qu'ils vont te suivre, ou bien que tu appelles une personne à venir à la mosquée qu'en l'appelant une ou deux fois elle va te suivre. Combien de personnes est تقول أنا كنت أنفيق واحد سيل صلاة الفجر. طيب واحد مرة ما فقش نار الثاني فيقت واحد الثاني ما فقش فخليته. Des gens ils disent je réveillais un ami à moi pour aller à la prière de l'aube. Un jour je l'ai réveillé, il s'est pas réveillé. Le lendemain je l'ai réveillé, il s'est pas réveillé, je l'ai laissé. Là. C'est là que la personne justement prouve sa sincérité en patientant. Elle prouve sa sincérité en patientant donc dans cette tâche qui est la tâche des prophètes alayhimu as-salam. ثم قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدليل على هذه المسائل الأربع هي سورة العصر التي يحفظها معظم الناس فيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة يعني يستحب أن تقرأ يعني عند بداية السور هي البسملة فصل بين السور إلا في سورة التوبة الله عز وجل يقول براءة من الله ورسوله وهي جزء كذلك من سورة نمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أما بين السور فليست يعني آية من السور إنما هي آية للفصل بين السور فيستحب أن تقرأ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالإمام رحمه الله يعني استخرج هذه المسائل الأربع من هذه السورة واستخرجها قبله يعني علماء رحمهم الله فيقول والعصر الواو هذه تسمى بواو القسم فحروف القسم شحال حروف القسم ها لام كيف لام التاء والباء والباء ما تقول بالله والله تالله بالله هذه حروف القسم فالواو حرف من حروف القسم الله عز وجل في كتابه في مواضع شتى يقسم بمخلوقاته وبنفسه أحيانا فالكثير أن يقسم الله تبارك وتعالى بمخلوقاته والله عز وجل يقسم بمخلوقاته العظام فأقسم بالشمس والقمر وبالليل والنهار والأرض والسماء فهنا أقسم بالعصر الله عز وجل يقسم بما يشاء من مخلوقاته أما المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله فلا يجوز للإنسان أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى لا يجوز لك أن تقسم بالنبي كما يفعله بعض العرب في يومنا هذا يقسمون بالنبي ولا يجوز لك أن تقسم بالحياة كما يفعله ولا يجوز لك أن تقسم بمكة ولا يجوز لك أن تقسم بالأنبياء بالقرآن يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى فلا يجوز لك أن تقسم بغير الله تبارك وتعالى بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فالوعيد شديد فهو من الشرك الأصغر الإنسان أن يجتنب الحلف بغير الله تبارك وتعالى إذن يقول الله تبارك وتعالى والعصر العصر هو الدهر والزمان العصر هو الزمان وقيل الأخرى قيل صلاة العصر وقيل أنها وقت في آخر النهار قيل أنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأشمل أنه الزمان الذي هو محل الحوادث من خير من خير وشر. فالله عز وجل إذن يقسم بهذا الزمن، وهذا الزمن له قيمة عظيمة يعني في هذه الحياة الدنيا، فالهداية تحصل في الزمن وفي العمر، العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والإيمان والعمل الصالح يحصل في الزمن، فهو من يعني أعظم الأمور في هذه الحياة الدنيا. وقلنا أن الله عز وجل لا يقسم بالله بعظيم. Donc la preuve de ces quatre points, c'est Sourate Al-Asr. Donc l'auteur il nous dit, la preuve donc des quatre points qu'il a cités, la science, l'application de cette science, l'appel à cela et la patience donc par rapport aux enfants, aux offenses qui sont faites, c'est tiré de Sourate Al-Asr. Allah nous dit wal 'asr innal insana lafi khusr, par le temps l'être humain est certes en perdition, sauf ceux qui ont cru, accompli les bonnes œuvres, se sont recommandés mutuellement la vérité et se sont recommandés mutuellement la patience. Donc Allah dans cette sourate au départ il dit wal 'asr, par le temps. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreuses sourates, de nombreux versets du Coran, il jure. Donc lorsqu'il veut appuyer un point et le confirmer, il jure. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Il jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. C'est pour ça que vous verrez qu'il jure par le soleil, la lune, la terre, les cieux, également le nafsin, par l'âme, et par d'autres, par le qamar. Et également parfois il jure par lui-même. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا أقسم برب المشارق والمغارب. Allah jure par le Seigneur de l'Occident et de l'Orient. Donc c'est lui subhanahu wa ta'ala. Donc Allah peut jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures, et il ne jure que par les plus grandes de ses créatures. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par une créature, cela prouve son importance et sa grandeur. Le serviteur, donc l'homme, il ne lui est permis que de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est strictement interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tahlifu bi aba'ikum, ne jurez pas par vos parents. Man kana halifan falyahlif billah. Dans notre hadith il dit falyahlif billah ou liyasmut. Le prophète dit ne jurez pas par vos parents, mais jurez, celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah. Dans un hadith, il dit soit il jure par Allah, ou bien qu'il se taise. Donc il est interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même par des choses qui ont une grande valeur dans la vie du musulman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les anges, comme la vie, comme les parents, comme le Kaaba, ou bien Mecca, ou bien toutes ces choses-là. C'est strictement interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man kana halifan falyahlif billah, celui qui doit jurer qu'il jure par Allah. Et dans un autre hadith il nous dit: celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru ou bien accompli de l'association. Al-Asr, c'est le temps. Al-Asr, c'est le temps. Donc le temps pendant lequel a lieu tous les événements, ou bien dans lequel ont lieu tous les événements de bien comme de mal. Donc cela prouve la grande valeur du fait que tout le bien a lieu donc dans ce temps. Le fait que la personne ait été guidée vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle ait la foi, qu'elle accomplisse les bonnes œuvres, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle apprenne sa religion, tout cela a lieu dans le temps. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps pour montrer sa grande valeur. Donc ça prouve la valeur du temps, et donc c'est une chose que la personne doit protéger et ne pas perdre son temps. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, ça prouve sa grande valeur. Donc il ne faut pas que le musulman justement perde son temps comme si c'était une chose donc qui n'a pas de valeur. Inna al-insana lafi khusr. Al-insana ni kull insan. هذا هو الأصل في الإنسان أنه في خسر. فما من إنسان من ذكر أو أنثى حر عبد مسلم كافر لا غير ذلك إلا هو في خسر. الخسر يعني بمعنى الهلاك والخسارة. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من هذا الخسران يعني أناسا اتصفوا بصفات أربعة، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن يعني جمع هذه الصفات الأربع يخرج من الخسران. ولهذا قال المصنف يجب علينا، لأنه لا بد للإنسان واجب عليه أن ينجي نفسه من الخسران. لا يجوز الإنسان أن يسمع أن الإنسان في خسر ثم لا يقول بوجوب الإيمان وبوجوب العمل الصالح وبوجوب التواصي بالحق وتواصي بالصبر. فقال إلا الذين آمنوا، فهذا أخذ منه المصنف المسألة الأولى وهي العلم، من الإيمان من لوازم الإيمان العلم، أن الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والعلم محله القلب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الصالحات يعني من واجبات ومن مستحبات، وتواصوا بالحق يعني يوصي بعضهم بعضا يعني بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا نكبر الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.